J'ai oublié tes trottoirs sales, ton bruit sourd, tes déguisements. Je me suis traînée entre tes murs comme un fantôme en perdition. Ici plus rien n'a d'importance, ici je peux me mettre à nu. Je me souviens plus de tes rues sales, ici je danse avec le vent. Ici je danse avec les vagues. Ici je danse avec le temps. Mon cœur n'est plus à marée basse. Mon cœur à nu se jette à l'eau. Se ferme.